Ce que m'avait dit M. de la Martinière me donna de la curiosité. Je lus les ouvrages de celui dont j'occupais la chambre, et sur le compliment qu'on m'avait fait, croyant avoir du goût pour la poésie, je fis pour mon coup d'essai une cantate à la louange de Madame de Bonnac. Ce goût ne se soutint pas. J'ai fait, de temps en temps, quelques médiocres vers. C'est un exercice assez bon pour se rompre aux inversions élégantes et apprendre à mieux écrire en prose. Mais je n'ai jamais trouvé dans la poésie française assez d'attrait pour m'y livrer tout à fait. Monsieur de la Martinière voulut voir de mon style et me demanda par écrit le même détail que j'avais fait à monsieur l'ambassadeur. Je lui écrivis une longue lettre que j'apprends avoir été conservée par monsieur de Marianne, qui était attaché depuis longtemps au marquis de Bonnac et qui depuis a succédé à monsieur de la Martinière sous l'ambassade de monsieur de Courteil. J'ai prié monsieur de Malesherbes de tâcher de me procurer une copie de cette lettre. Si je puis l'avoir par lui ou par d'autres, on la trouvera dans le recueil qui doit accompagner mes confessions. L'expérience que je commençais d'avoir modérait peu à peu mes projets romanesques. Et par exemple, non seulement je ne devins point amoureux de Madame de Bonnac, mais je sentis d'abord que je ne pourrais faire un grand chemin dans la maison de son mari. Monsieur de la Martinière en place, et Monsieur de Marianne, pour ainsi dire, en survivance, ne me laissaient espérer, pour toute fortune, qu'un emploi de sous-secrétaire qui ne me tentait pas infiniment. Cela fit que quand on me consulta sur ce que je voulais faire, je marquai beaucoup d'envie d'aller à Paris. Monsieur l'ambassadeur goûta cette idée qui tendait au moins à le débarrasser de moi. Monsieur de Merveilleux, secrétaire interprète de l'ambassade, dit que son ami, Monsieur Godard, colonel suisse au service de la France, cherchait quelqu'un pour mettre auprès de son neveu, qui entrait fort jeune au service, et pensa que je pourrais lui convenir. Sur cette idée, assez légèrement prise, mon départ fut résolu. Et moi, qui voyais un voyage à faire et Paris au bout, j'en fus dans la joie de mon cœur. On me donna quelques lettres, 100 francs pour mon voyage, accompagnés de force bonnes leçons, et je partis.